Excellence de Marie et de son culte, par le révérend Père Dominique de la Mère de Dieu, Domenico Barberi, première partie, chapitre second, cinquième paragraphe, Judith, Esther. Il nous reste à parler de deux femmes très célèbres dans les divines écritures, et qui sont aussi deux figures éclatantes de la très sainte Vierge. La première est Judith, la seconde Esther. Elles nous mettront sous les yeux l'efficacité de la protection de Marie, tant pour abattre les ennemis qui nous obsèdent de toutes parts, que pour apaiser l'indignation de Dieu justement irrité contre nous. Commençons par la première. Transportez-vous en esprit dans la Palestine, et considérez comment l'orgueilleux Holoferne répand partout la dévastation, réduisant tout à feu et à sang sur son passage. Qui donc pourra mettre un frein à son orgueil, et arrêter le cours de ses victoires? Cette grande œuvre est réservée par la divine providence à une femme, c'est elle qui écrasera sa tête. Holoferne est sous les murs de Béthulie. Malheureuse cité, vous allez donc subir le sort qu'ont subi tant d'autres villes, vous allez être asservi sous le joug de l'ennemi, il entrera triomphant dans vos murs et la mort suivra ses pas. Mais non, prenez courage, vos murs renferment une femme forte, Judith est là, ne craignez rien, elle ira se mesurer avec le superbe conquérant. Voilà Judith qui déjà s'avance dans la campagne. La voilà dans la tente d'Holoferne, elle saisit le glaive, elle tranche la tête du fier ennemi, et victorieuse, elle revient consoler son peuple abattu. Sans autres explications, je crois que chacun a déjà fait l'application de la figure à son objet, de Judith à Marie. On voit en effet dans Judith l'expression la plus vive de la protection efficace de Marie contre les efforts de l'infernal ennemi. Celui-ci ne dort jamais, mais il rôde sans cesse autour de nous, comme un lion rugissant, cherchant une proie à dévorer. 1 Pierre 5, 8. Combien de fois n'a-t-il pas assiégé notre pauvre cœur? Combien de fois n'en aurait-il pas forcé l'entrée, et ne s'en serait-il pas rendu maître, pour le réduire tout au moins sous son esclavage, si Marie n'avait volé à notre secours? Hélas, que pouvions-nous espérer de nous-mêmes? Nous eussions succombé au premier coup et nous serions maintenant les esclaves de Lucifer. Si nous ne le sommes pas, à qui faut-il en rendre grâce? Après Dieu, c'est à Marie. Soyons donc reconnaissants envers cette auguste médiatrice. Imitons les habitants de Béthulie qui témoignèrent, comme il était de leur devoir, la plus vive gratitude envers leur libératrice. Disons à Marie, avec bien plus de raison que les habitants de Béthulie ne le dirent à Judith, « Vous êtes la gloire de Jérusalem, vous êtes la joie d'Israël, vous êtes l'honneur de notre peuple, parce que vous avez agi avec valeur, et que votre cœur magnanime s'est affermi en aimant la chasteté. C'est pourquoi la main du Seigneur vous a fortifié, et vous serez béni éternellement. » Judith 15, 10, 11. Mais que vous offrirons-nous, ô Marie, en témoignage de notre reconnaissance? Recevez les dépouilles remportées sur l'infernal ennemi. Cette dépouille, ce sont nos cœurs que vous avez arrachés à sa tyrannie. Nous vous les tenons, ô Marie, qu'ils soient à vous. Ils vous appartiennent à titre de conquête que personne n'ait l'audace de vous les ravir désormais. Ô mère chérie, puissante souveraine, mon cœur est à vous. Je suis tout à vous, je n'appartiendrai plus jamais qu'à vous, songez à disposer de moi comme d'une chose qui est vôtre, faites de moi ce que vous voulez, je m'abandonne entre vos mains, je ne crains rien, sinon le malheur de vous échapper. Ne le permettez pas, ô ma souveraine, Je vous en conjure par votre miséricorde, par l'amour que vous portez à votre divin Fils, auquel vous présenterez mon cœur au jour du triomphe comme une dépouille que vous avez conquise. Ainsi soit-il. Esther ne fut ni moins sage, ni moins courageuse que Judith, et par conséquent elle ne figura pas moins heureusement Marie. Peuple infortuné d'Israël, à quelle extrémité te vois-je réduit? Le voilà dispersé dans le vaste empire d'Assyrie, par la malice d'Aman, il se trouve enveloppé tout entier dans la disgrâce du roi Assuérus. Déjà l'arrêt de mort est lancé contre lui, on n'attend plus que le moment fatal de l'exécution. Déjà les poteaux sont dressés, déjà tout est disposé pour sa ruine totale. Ses ennemis se réjouissent et s'en faut un sujet de fête. Israël gémit, plongé dans un abattement voisin du désespoir. N'y aura-t-il pas quelque moyen de détourner la cruelle sentence? Hélas, quel serait-il? Tout au plus pourrait-on en appeler à la clémence du monarque. Mais toute voie est fermée à l'espérance de ce côté-là. Le roi lui-même a défendu à qui que ce fût, sous les peines les plus rigoureuses, d'oser approcher de son trône. Que reste-t-il donc à attendre qu'une inévitable ruine? Il en serait ainsi, si la divine providence n'avait réservé à une femme la gloire de sauver la nation entière, la douce Esther a le courage de se présenter devant le roi, afin d'intercéder pour son peuple. À peine Assuérus l'a-t-il aperçu que son indignation se calme, il s'avance à sa rencontre, l'accueille dans ses bras, l'encourage, et lui fait entendre ses consolantes paroles. La loi n'est pas faite pour vous, Esther 15-13. Esther, soyez tranquille, vous ne mourrez pas. L'arrêt de mort est lancé contre votre peuple tout entier, mais vous n'êtes pas comprise dans cette condamnation. Esther est donc en sûreté, quand même tout son peuple périrait, elle ne périra pas. Elle a trouvé grâce devant le roi, Ibidem, elle peut donc se retirer satisfaite de ce qu'elle a obtenu. Mais non, c'est trop peu pour son cœur compatissant. Il ne lui suffit pas d'avoir trouvé grâce pour elle-même, elle veut encore l'obtenir pour son peuple. Profitant donc des bonnes dispositions qu'elle remarque dans Assuérus et des offres qui lui sont faites, elle invite le roi à descendre chez elle et lui prépare un festin. Le roi accepte, et se montre plus disposé que jamais à exaucer les vœux de la reine. Lui-même l'encourage à formuler sa demande. « Que désirez-vous, Esther ?» lui dit-il, « Qu'attendez-vous de moi ? Quand vous me demanderiez la moitié de mon royaume, je vous l'accorderai. » Ibidem 7, 2. Voilà le moment favorable, Esther présente sa supplique, et elle reçoit une réponse pleine de bienveillance. Cet ennemi cruel, cet Aman qui se vantait d'avoir exterminé Israël, est couvert de confusion, tandis que le peuple de Dieu est comblé d'une joie inexprimable. Non seulement il obtient la liberté, mais encore le pouvoir de triompher de ses fiers ennemis et de les exterminer, tant est puissante la médiation d'une femme qui a trouvé grâce devant le roi. Ne dirait-on pas qu'on vient lire une histoire plutôt qu'un symbole de Marie? Par quelle couleur plus vive pourrait-on représenter ce que cette reine compatissante a fait pour son peuple? Faisons quelques observations. Nous avons par le péché encouru la disgrâce de Dieu, l'orgueilleux Lucifer avait gagné sa cause, déjà il tenait le supplice préparé, il n'attendait que la séparation de l'âme d'avec le corps, pour nous entraîner dans la mort éternelle. En quel état de consternation est réduit le genre humain? Quel espoir de vie lui reste-t-il? Il pourrait recourir à Dieu. mais tous sont coupables, et par suite tous également incapables de trouver grâce aux yeux du Seigneur, qui pourra apaiser la juste colère de ce monarque irrité. Ô homme, que ta condition est déplorable, que te reste-t-il sinon le désespoir en attendant le moment fatal où tu deviendras la proie de ton ennemi? Mais non, relève ton espérance, console ton cœur abattu. Il y a une femme qui se fera ta médiatrice. Elle s'approche du trône de Dieu, elle a su plaire à ses yeux, elle est accueillie avec bonté, elle entend les rassurantes paroles qui lui annoncent que la loi de mort n'a pas été portée contre elle. Comme étant parfaitement pure, sans tache et exempte de toute faute, elle n'est pas comprise dans l'arrêt commun. Consolez-vous donc, ô Marie. Vous ne mourrez pas, vous avez trouvé grâce devant Dieu, vous êtes en sûreté. Mais souvenez-vous que vous n'avez pas à songer à vous seul, Esther 4, 13. Marie s'en souvient, et comment ses entrailles de miséricorde auraient-elles pu nous oublier? Elle invite son Dieu à venir se reposer dans son sein, elle lui prépare une demeure digne de son infinie majesté, et le reçoit avec empressement. Le souverain roi, le Verbe éternel, se montre plus bienveillant que jamais. Il provoque lui-même ses demandes, il se montre avide d'entendre sa voix. « Que, votre voix, lui dit-il, se fasse entendre à mes oreilles, car votre voix est douce, et votre visage est plein de charme. Voilà le moment propice. Monde, réjouis-toi, Marie parle en ta faveur. Enfant d'Adam, essuyez vos larmes, et faites cesser votre deuil, livrez-vous à une joie toute nouvelle, à une joie que vous n'avez jamais éprouvée, le moment favorable est venu. Écoutez comme votre avocate sait défendre votre cause. Ô belle, ô tendre, ô aimable avocate, ô notre mère et notre espérance, ouvrez votre bouche, nous attendons de vous lèvres notre défense. Parlez, ô Marie, parlez, vous ne pouvez manquer d'être écoutée. Marie parle enfin dans le silence de son cœur, dans le secret de son âme, elle parle à son Dieu, et avec quelle force elle lui parle, avec quelle grâce, le divin roi l'écoute. Tremble, ennemi cruel, tremble, ô traître Amane, que le monde entier se réjouisse, qu'il tressaille d'allégresse, qu'il se livre au plus doux transport. Marie a parlé, la cause est finie, le traître est confondu, il a perdu son puissant ascendant, le voilà suspendu au poteau infâme qu'il nous avait dressé. Que vos mains applaudissent, que votre cœur se ranime, ô Israël, vengez-vous justement de vos ennemis, ornez-vous de leurs dépouilles. L'enfer est vaincu, le monde est sauvé, Dieu a donné le salut par la main d'une femme. Ô femme puissante, mon cœur bondit et ne se contient plus de joie, les pensées me manquent pour rendre les sentiments que j'éprouve. Je voudrais louer mon Dieu, je voudrais lui rendre grâce, je voudrais combattre, je voudrais triompher, je voudrais faire tant de choses, que je ne saurais pas même les exprimer. Que ferais-je? Que feras-tu, ô mon âme? Vous le savez mieux que moi, ô Marie, parlez à mon Dieu, parlez, chantez un hymne de louange et des cantiques d'allégresse, célébrez des fêtes et des triomphes, faites ce que l'amour vous inspire. Ô doux sentiment, ô sentiment que je n'ai jamais éprouvé. Que, vous m'êtes cher. Oh oui, oui, j'ai vaincu. Oui, j'ai vaincu. Oui, j'ai triomphé. Oh que ma mère a conquis de gloire et d'honneur. Oh les dépouilles, oh les triomphes, oh les réjouissances. Ô les fêtes brillantes qui se célèbrent dans le ciel. Ô désespoir où l'enfer est plongé, nous avons vaincu, Ô démon superbe, pourquoi avez-vous cru chanter victoire à jamais? Nous avons vaincu, vous êtes terrassés. Que mon cœur seul se fasse entendre, car les paroles me manquent. Markendanarchive.org 2023 d'après Books Google FR. Licence Creative Commons, pas d'usage commercial. Partage à l'identique.